Parmi les matériaux de construction exploités en Belgique, le marbre occupe une place toute particulière. Une grande spécialité marbrière de ce pays fut incontestablement le marbre noir. Quel en songe ici au prestigieux noir extrait jadis aux abords de Dinan. Il partage avec le rouge de Reims le privilège d'être le mieux coté des marbres belges. La réputation du calcaire de Dinan est due à la pureté, à la homogénéité de sa pâte. Il prend un beau poli et présente une teinte uniforme d'un noir profond. Il n'est donc pas étonnant de le voir comme une excellente pierre à ciseler. C'est aussi grâce à la proximité de la Meuse que le noir de Dinan a pris son envol comme produit d'exportation vers les villes flamandes, hollandaises, anglaises, et plus loin encore, vers l'Europe du Nord, jusqu'en Pologne et Lituanie. Le marbre rouge et noir convenait parfaitement à la confection des monuments funèbres, d'hôtels ou d'encadrements de portes. Parmi les clients nordiques, relevons le roi du Danemark, Christian IV, grand bâtisseur et ami des arts, qui, durant son long règne, fit souvent appel à divers artistes des Pays-Bas. Un héros d'armes de la cour royale à Copenhague, Johan de Marienburg, a servi de courtier dans la commande et la livraison de marbre Mosan en 1591. Christian IV l'envoya aux Pays-Bas pour acheter 3000 pieds cubes de marbre noir de Dinan, 350 pieds cubes de marbre rouge, extrait sous la muraille de la fortification Charlemagne à Givet, 100 pieds cubes de pierre bleue de Namur et 400 000 ardoises, le tout destiné à ériger la sépulture royale de Frédéric II à Roskilde. Ce document en question, il est conservé à Bruxelles aux archives du royaume. C'est un passeport de sortie. Ce document n'a pas encore été publié. C'est aussi à Dinan, Namur, Reims et Givet qu'on allait chercher le marbre noir et rouge pour la construction des demeures royales en Pologne sous le règne de Sigismond III de la dynastie Vasa. Passionné d'art, c'est le portrait du roi de Pologne, le tableau qui est conservé à Munich, mais c'est un tableau portrait qui a été fait par un peintre hollandais, Pieter Soutman. Le tableau est conservé à Munich. Passionné d'art, Sigismond III enrichit notablement la collection royale de Varsovie par des œuvres d'art flamand. Il passait ses commandes à Anvers. La littérature sur ces sujets est abondante. Elle mentionne avant tout les contacts privilégiés de Jean Bruegel l'Ancien, dit de velours, avec Sigismond III. D'ailleurs, l'artiste lui-même, dans sa correspondance au cardinal Frédéric Borromée, s'est félicité des tableaux fournis à Sigismond III. Son fils, Jean Bruegel le Jeune, écrivit plus tard que le roi de Pologne avait une grande estime pour Bruegel de velours, en rappelant que ces dernières et Pierre pour Rubens avaient peint ensemble pour Sigismond III en 1619 une guirlande de fruits avec la Vierge et les anges. Le rôle des carrières mosanes dans l'essor de l'architecture baroque en Pologne n'est pas encore mis en lumière, simplement parce qu'on est peu au courant des documents d'archives à Bruxelles, à La Haye et à Copenhague. À vrai dire, ce sujet n'a retenu qu'une faible attention. le chercheur étant persuadé qu'en Pologne, à l'époque baroque, on n'utilisait que le marbre noir extrait de Dębnik près de Cracovie. Mais cette supposition est erronée. C'est seulement à partir des années 30 du 7e siècle qu'une grande partie de la production à Dębnik fut travaillée sur place, d'après le modèle fourni par les clients, ou qu'elle fut lancée sur le marché local comme matériel préfabriqué. Cependant, à l'époque où l'édification du château royal à Varsovie battait son plein, c'est-à-dire vers 1619, les sculpteurs royaux avaient en ce moment déjà grand besoin d'une pierre de bonne qualité, propre à la taille d'encadrement des portes et des cheminées. Le roi de Pologne se décida pour le marbre Mozan. Quels ont été les promoteurs ? L'importation de cette matière première coïncidait avec la présence de nombreux artistes flamands en Pologne, ce qui explique sans doute le succès de Pierre Mozan sous le règne de Sigismond III. Personne ne pouvait mieux renseigner les Polonais sur la qualité de cette pierre que les architectes et maîtres de travaux venus des Pays-Bas, comme par exemple Guillaume Martens, qualifié dans les documents d'archives à Bruxelles de citoyen d'Elbing et tailleur de pierre. En 1614, il deviendra fournisseur attitré du roi. Martens associait le métier de tailleur à celui d'architecte avec sa propre entreprise. L'immigration de Martens en Pologne du Nord ne constitue pas un fait isolé. Nombre d'artistes flamands préférèrent la ville hospitalière de Gdańsk, en allemand Danzig, à leur pays déchiré par la guerre des religions. Au XVIe siècle, Gdańsk entra dans une période florissante où devait régner la liberté de pensée. Nous ne citerons à ce propos que les noms les plus connus, en soulignant que leur nombre est vraiment imposant. Les représentants de la famille artistique de Van den Blocke, originaire de Malines, l'architecte Antoine van Obbergen, lui aussi de Malines, l'architecte et peintre Hans Vredeman de Vries, ou encore le sculpteur Guillaume van der Meer, le jeune de Gand. Les architectes et bâtisseurs flamands étaient à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle visiblement présents en Pologne et y concurrençaient même les Italiens. Il y a tout lieu de croire qu'ils laissèrent des traces profondes dans l'art de Gdańsk et celui de la Pologne du Nord. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver un ensemble de textes qui laissent supposer l'existence en Pologne d'un véritable réseau d'approvisionnement en matériaux de construction d'origine mozane. Ces sources permettent de spécifier par quelle voie le transport des carrières de Dinan, de Namur, d'Erence et de Givet s'opérait. Du marbre, en général, la pierre de construction mozane, arrivait en la lointaine Pologne par la Meuse et l'Escaut via les ports de la mer du Nord et de la Baltique, jusqu'en la ville de Gdańsk. De Gdańsk, qui était déjà au XIVe siècle un important port de transbordement, des bateaux fluviaux remontaient la Vistule jusqu'à Varsovie. Et en Pologne, à Königsberg, on transbordait le marbre Mozan à destination de la Lituanie. Voici peut-être un élément essentiel pour l'histoire du marbre en Pologne. Le roi Sigismond III passait ses commandes à Amsterdam, qui était au XVIIe siècle non seulement un important marché européen et une plaque tournante pour les produits polonais sur les chemins entre Gdańsk et les Pays-Bas méridionaux, mais aussi un important centre du commerce de la pierre. Au XVIIe siècle, des dizaines de carrières mosanes et italiennes étaient fortement dépendants du marché d'Amsterdam. Y trouver un commerçant de pierres expérimentées ne présentait aucune difficulté. Centre européen du commerce de la pierre, Amsterdam était aussi un lieu de rencontre naturelle des gens des métiers, où les agents artistiques de Sigismond III, les négociants, ainsi que les tailleurs de pierre et les sculpteurs, pouvaient aisément discuter de leurs affaires. Selon l'usage, les marchands de pierre prenaient à leur compte le transport de leurs marchandises. Grands entrepreneurs, ils disposaient probablement de navires et d'équipages. Le nombre de fournitures de marbre mosan et généralement des pierres exploitées en région mosane, tant à Varsovie que dans le reste du pays, a dû être considérable. Nous nous contenterons de citer quelques-unes. La première livraison importante semble avoir été celle d'un tailleur de pierres flamand établi en Pologne, Guillaume Martens, en collaboration avec un serviteur de Sigismond III, Georges Mayer. C'est Alexandre Pinchard qui publia en 1860 une lettre du roi Sigismond III, dit 20 janvier 1619, relatif à l'achat des marbres aux Pays-Bas méridionaux par l'intermédiaire de Guillaume Martens. Les choses ont été restées là jusqu'en 1968, quand un historien polonais, Ladisław Czapliński, apporta encore d'autres détails sur la mission de Guillaume Martens. Il avait tiré ses renseignements d'une lettre du 23 janvier 1619 de Sigismond III au roi du Danemark, où le monarque polonais demande le libre passage dans les portes danoises du marbre acheté aux Pays-Bas méridionaux. Mais les documents déjà publiés nous laissent quelque peu insatisfaits, car il nous manque l'essentiel, la destination de cette pierre mosane. Les archives conservées à Bruxelles permettent cependant de préciser la raison du voyage de Guillaume Martens aux Pays-Bas méridionaux. Chronologiquement, cette livraison correspond à l'époque où s'achève l'agrandissement du château royal. La chance a voulu que soit découvert un passeport de pierre, de marbre, destiné au roi Sigismond III. Ce document comporte la décision du 7 mai 1619, dirigeant des Pays-Bas méridionaux, l'archiduc Albert, et de son conseil des finances, d'accorder au roi de Pologne l'exemption des charges, des licences et des contributions indirectes pour la sortie de 7000 pieds cubes de marbre noir, 3000 pieds cubes de marbre rouge et 5000 pieds cubes de pierre bleue. La raison d'accorder cette faveur fut la construction du château royal de Varsovie. Les commissionnaires du roi de Pologne avaient négocié ces achats à Dinan. En ce qui concerne la pierre bleue qui venait du Namurois, la pierre bleue de Namur est un calcaire bleu foncé à noir de toute première qualité. L'essor de la région de Namur doit beaucoup à la pierre bleue qui renferme son sous-sol et à la Meuse, laquelle qui a permis de tout temps son exportation vers la Pologne. Le passeport du 7 mai 1619 n'est qu'une des nombreuses traces écrites sur l'utilisation de la pierre mosane en Pologne dans la première moitié du XVIIe siècle. Il est évidemment possible d'indiquer encore d'autres documents d'archives concernant la fourniture de cette matière première en Pologne. Nous avons déjà remarqué que son importation en Pologne coïncide avec la présence d'artistes néerlandais sur la Vistule. Avec la pierre, en effet, étaient arrivés ceux qu'il avait déjà travaillé ou la convoyé, ou ceux qui devaient la travailler sur place. Ainsi, le 18 juillet 1619, sur l'ordre de Sigismond III, Maître Guillaume Martens, dont le nom apparaît déjà dans les documents à Bruxelles, il doit se rendre aux provinces unies de Hollande pour y surveiller l'acheminement vers la Pologne de quelques mille pieds cubes et d'autres formes de la pierre de marbre. Il s'agissait en effet des pierres de Namur, car le 31 août 1619, ce même Guillaume Martens obtient de la part du gouvernement des provinces unies de La Haye la licence d'exportation vers la Pologne de la pierre de Namur, donc de la pierre noire pour le pavement du château royal de Varsovie. Le 26 juillet 1619, quand les travaux à Varsovie sont en pleine réalisation et les gros œuvre touche à sa fin, mais qui reste encore à embellir l'intérieur du bâtiment, un autre tailleur de pierre résident à Amsterdam, Johan Philips, obtient de son gouvernement de La Haye l'autorisation d'exporter en Pologne 30 000 pieds cubes de toutes sortes de marbre. Je dis bien 30 000, c'est un chiffre énorme. Donc 15 000 pieds cubes de marbre noir de Dinan et de marbre blanc de Toscane. Le 21 juin 1619, les mêmes autorités de La Haye accordent à un marchand d'origine italienne résidant à Amsterdam, Filippo Calendrini, un passeport pour la libre sortie vers la Pologne de 59 blocs de marbre, d'une table en marbre, d'une caisse avec des produits en terre cuite et des produits nécessaires au polissage du marbre. Mais il ne faut pas en conclure prématurément que toute demande de passeport était acceptée par les autorités de La Haye. Un batelier hollandais, Paulus Cornelis van Weydens, faute de lettre de recommandation de la part de Sigismond III, se voit refuser le 27 août 1619 un passeport de sortie des provinces unies de Hollande pour 23 blocs de marbre offerts au roi de Pologne par le grand-duc de Toscane. Après 1626, un autre sculpteur marbier, Laurens Feys d'Amsterdam, fournira le pierre Mosane pour le roi Sigismond III et la ville de Gdańsk, dont les magistrats ayant affaire pour la fabrique d'un certain bâtiment en leur ville, a demandé d'une espèce de pierre se retrouvant dans les pays du roi d'Espagne. Je cite un document d'archives. Sveis fournira à la grande métropole baltique 15 000 pieds cubes de la pierre de Namur, 10 000 pieds cubes d'engrais de la principauté de Bentheim, région entre l'Allemagne et la Hollande, et 2 000 pieds cubes de calcaire brabançon, dit d'Einstein. Après avoir travaillé durant les années 1618-1622 pour les rois du Danemark, Christian IV, notamment à la galerie de marbre du château royal de Frederiksborg, Laurens Feys est présent à Varsovie en 1626 pour fournir tous les produits de pierre nécessaires à la fortification du château royal de Varsovie et d'autres demeures royales en Pologne. Il succède ainsi à Guillaume Martens. L'histoire de la commande de 1626 est passionnante à plus d'un titre, car outre les nombreuses informations sur la quantité de pierres fournies en Pologne, on y trouve des détails au sujet de l'exploitation, les transports et même les difficultés de douane pendant cette période de troubles que fut la guerre des Trente Ans. Sigismond III est un grand bâtisseur de cette époque. Sous son règne, le château royal de Varsovie fut entouré d'une grande enceinte rectangulaire avec des bastions. Ces parties ont été élevées après 1626, probablement par un architecte italien Delacroix, dans un style un peu sévère, conforme aux principes de construction militaire de l'école d'Antonio da San Gallo et de Michele San Micheli. Laurence Weiss n'apparaît pas dans les comptes de la cour royale de Varsovie, et peut-être, de ce fait, n'a-t-il jamais reçu l'attention qu'il mérite. Malgré son rôle relativement discret à Varsovie, il fit parvenir en Pologne, sans avoir payé aux Pays-Bas méridionaux et à Amsterdam le droit d'étendre ou de licence, au moins 6000 pieds cubes de pierre noire, en partie crue et en partie travaillée, ainsi que 18000 pieds cubes de diverses pierres à pavés, que les milliers professionnels appellent Flissen. Je cite un document Flissen, c'est 4000 pieds cubes de toutes sortes de marbre, semblablement en partie crus et en partie travaillés, 2000 de grandes pierres de 5 pieds de longueur, 4000 pieds cubes de pierres commercialement appelées d'Einstein et 80 pierres de moulin. À Amsterdam, nous voyons aussi Sweiss passer commande de marbre italien. À en juger d'après une requête déposée par lui en 1626 auprès du gouvernement des Provinces Unies de Hollande en vue d'obtenir une licence d'exportation vers la Pologne, on voit clairement qu'il combinait la livraison de marbre moisan avec des fournitures de marbre italien achetées à Amsterdam. Sweiss ne pouvait pas risquer une telle aventure s'il n'était pas un grand entrepreneur. Si de telles quantités de marbre moisan et d'autres ont pu être exportées vers la Pologne, c'est parce que Sweiss avait sans aucun doute à son service plusieurs correspondants et entrepreneurs de carrière et disposait de navires et d'équipages. Déjà en 1626, la première année où l'on parle de lui, il disposait d'une flotte de 25 navires, sans compter de nombreuses embarcations naviguant dans la Meuse. Une grande partie de la pierre brute était travaillée sur place, d'après le modèle commandé par le maître des travaux en Pologne. De toute évidence, Laurence Weiss emportait avec lui les esquisses et plans d'architecture, alors que la finition de la pierre s'effectuait sur place. Où cherchait-il la pierre de marbre et les blocs de pierre promis à la fabrique du roi de Pologne? Aux abords immédiats de Dinan et Namur. Le croisement de ce voyage se situe en effet à Amsterdam, lieu principal de son activité artistique, où il dirigeait un grand atelier de taille, mais c'est sans doute la ville de Dinan, alors faisant partie de la principauté de Liège, qui était une excellente base d'opération pour un marchand de pierres comme Sweiss. Cependant, à Dinan, faute de recherches dans les archives, le personnage de Laurence Sweiss demeure encore dans la brume de temps. Par suite d'un conflit opposant les Pays-Bas méridionaux et les Provinces Unies de Hollande en 1626, l'administration d'Étonnelieu à Bruxelles bloqua le libre commerce avec le Nord et tous les passages de la pierre sur le Rhin et la Meuse. Sweiss devient l'une de ses victimes. Il est possible que l'on suspendit quelque temps l'exploitation dans les carrières, ce qui n'arrangeait pas les affaires de Laurence Weiss. Le roi de Pologne essaya d'abord de résoudre le problème en rappelant aux autorités bruxelloises que son fournisseur attitré d'Amsterdam s'était engagé par contrat à lui fournir différentes qualités des pierres indispensables à la construction des châteaux forts en Pologne et en Lituanie. Dans une lettre adressée à l'infante Isabelle le 10 avril 1628, Sigismond III écrit en effet qu'il avait mandaté Sveis d'acheter toutes sortes de pierres au pays de Liège, dont les autres contrées voisines de l'Allemagne et des Pays-Bas, et de les amener de là pour les appliquer aux choses de son service. Je cite la lettre du roi. Mais les officiers de l'administration de ton lieu sur le Rhin exigent du marchand d'Amsterdam une caution du quadruple de la valeur des pierres. Et c'est malgré la permission des passages déjà accordée par les autorités de Bruxelles. Cette lettre du roi de Pologne nous intéresse pour plusieurs motifs. Outre les nombreuses informations concernant les difficultés de transport, de commerce et de droits de douane, variant constamment en cette période troublée, on y trouve aussi quelques détails sur les difficultés de la vie quotidienne d'une entreprise marbière. Ainsi, le roi de Pologne demande à Isabelle le libre passage de son mandataire sur les terres de juridiction espagnole et ses jusqu'aux carrières et chantières. Il lui demande en plus que les vivres destinés aux ouvriers et marins échappent au tonnelier. Malgré les efforts diplomatiques du roi de Pologne, les difficultés entre Laurens Sveis et les autorités des Pays-Bas méridionaux ne finirent pas. Le problème du libre passage de la pierre Mosane vers la Pologne est toujours à l'ordre du jour le 25 octobre 1629. Dans une lettre du 25 octobre 1629, adressée à la régente des Pays-Bas méridionaux, Sigismond III insiste de nouveau sur une prompte réalisation du contrat passé avec son fournisseur. C'est plein de frais, dommages et intérêts qui pourraient en découler en cas de refus de libérer les pierres arrêtées sur le Rhin. Après 629, s'arrête toute la correspondance relative à l'approvisionnement en matériaux de construction mosans. Il est permis d'en tirer la conclusion que Sveis est finalement arrivé au bout de ses peines avec les douaniers de Isabelle, et qu'il a livré les pierres mosanes au roi de Pologne. Cependant, il n'était pas le seul à approvisionner le roi de Pologne. Pendant qu'il travaillait pour Sigismond III, des relations s'engagèrent avec les autres tailleurs de pierres d'Amsterdam. Le roi de Pologne désigne par la suite Pieter Adrian van Delft, mais cette fois les archives bruxelloises ne vous aide pas beaucoup. Nous savons toutefois que Pieter Adrian van Delft voyage entre les Pays-Bas et la Lituanie. Envers ces derniers pays, il s'engage à livrer des blocs de pierre mosane pour la construction de citadelles et de forteresses à la frontière orientale comme Smolensk et Kudak. L'examen des sources conservées nous apprend que plusieurs marchands et tailleurs de pierre hollandais servirent Sigismond III afin d'obtenir le marbre mosan, qui devait donner un éclat particulier à l'ornementation des demeures royales. Partant de ces traces écrites anciennes sur l'utilisation des marbres mosans en Pologne, il serait souhaitable de signaler quelques exemples d'œuvres d'art réalisées en marbre noir et rouge. L'on vit alors aménager de confortables chambres et foyers intérieurs, dotés notamment de carrelages noirs et blancs, et de cheminées avec des volutes finement sculptées en marbre rouge et noir. Tel est le cas du célèbre salon des marbres du château royal, la réalisation la plus prestigieuse du règne de Vladislas IV, non, c'est le fondateur, fils et successeur de Sigismond III, sur le trône polonais. On admet généralement qu'il fut aménagés dans les années 1640-1643. Ces salons servaient de lieu de glorification de la dynastie de Jagellon, dont descendent les membres de la branche polonaise de Vasa. On y voyait des tableaux représentant les victoires de l'armée polonaise au XVIIe siècle et une suite de 22 portraits des ancêtres de Ladislas IV. Les peintures historiques furent détruites pendant l'invasion suédoise. L'ancien revêtement en marbre du salon fut partiellement remplacé au XVIIIe siècle par un architecte polonais, mais d'origine italienne, Jacob Fontana. Les comptes relatifs à la restauration permettent de constater que les changements apportés par Fontana étaient plutôt superficiels et peu signifiants. Heureusement, l'aspect original du salon nous est connu grâce au dessin qu'exécuta un architecte de Saxonie, Johann Christian Kamsetzer. Donc, c'est un dessin exécuté par Kamsetzer. Ce sont précisément les dessins de Kamsetzer qui donnent une idée du décor original du monument. Le marbre de couleur rouge avec des veines et des taches blanches, ainsi que le marbre noir, proviennent des Pays-Bas méridionaux. Les destructions occasionnées par la Seconde Guerre mondiale ont été fatales pour le patrimoine artistique en Pologne, en particulier pour le château royal de Varsovie. C'est au cours des années 1970, lorsque l'on a reconstruit cette résidence prestigieuse, que les spécialistes de la Fédération Marbière de France, venus à l'aide de leurs collègues polonais, ont identifié parmi les vestiges de pierre de l'ancien château l'une des variétés du marbre rouge de Reims, connue sous l'ancienne dénomination de rouge griotte. Ce marbre a trouvé une large application sous le règne de Sigismond III, dans l'encadrement des portes et dans les cheminées. Certes, l'emploi des marbres mozans ne s'est pas limité à la seule résidence varsovienne de Sigismond III. Nous croyons qu'une bonne partie de la pierre apportée en Pologne par Laurence Feiss fut également utilisée à l'édification d'une autre demeure royale à Varsovie après 1624, pour le château Ujazdów et pour la chapelle de Saint-Casimir dans la cathédrale de Vilnius, chapelle justement considérée par les spécialistes comme l'un des joyaux de l'art baroque à l'époque de Sigismond III. On voit quelle place importante tenait le marbre mozan dans la résidence royale de la dynastie Vasa et d'abord au sein même du château royal de Varsovie. Une étude même rapide montre un tournant important que fut pour Sigismond III la mission de Guillaume Martens aux Pays-Bas. L'on a longtemps ignoré les penchants de ces rois pour le marbre mozan et pour la pierre des Pays-Bas en général. C'est là l'une des principales caractéristiques du goût artistique à la cour royale de Varsovie au XVIIe siècle. Merci.